Chapitre 10 2 Le docteur Lerne sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'opération circéenne. Je rouvris les yeux sur des ténèbres hermétiques où régnait aussi, dans le désert des bruits, le silence des odeurs. Je voulus redire « Ne commencez pas, je suis encore éveillé !» Mais aucune parole ne résonna. Le délire de la nuit se prolongeait. Il me sembla que le mugissement s'était rapproché, au point de l'entendre moi-même. Impuissant à maîtriser l'émeute de mes sens, je me tins quoi. Et grandit alors cette assurance que la chose mystérieuse était consommée. Peu à peu, les ténèbres se dissipèrent. L'ataraxie prenait fin. À mesure que ma cécité se guérissait, des senteurs et des sons, toujours plus nombreux, faisaient comme une foule heureuse qui vient. Béatitude. Oh, restez, restez ainsi. Mais cette agonie à rebours s'avançait malgré moi, et la vie me reprit. Cependant, les objets, distincts à présent, demeuraient difformes, sans relief et bizarrement coloré. Ma vision embrasait un large espace, un champ plus vaste qu'auparavant. Je me rappelais l'influence de certains anesthésiques sur la dilatation de la pupille, phénomène qui entraînait sans doute ces perturbations de la vue. Je constatais néanmoins, sans trop de difficulté, qu'on m'avait enlevé de la table et couché par terre, de l'autre côté de la chambre, et, en dépit de mon œil, qui fonctionnait à la manière d'une lentille déformante, je parvins à reconnaître la situation. Le rideau n'était plus tendu. Lerne et ses aides, groupés autour de la table opératoire, s'y livraient à certaines besognes que leur réunion me dissimulait, probablement le nettoyage des outils. Par la porte grande ouverte, on découvrait le parc et à 20 mètres à peine, un coin de pâturage où les vaches nous regardaient, ruminante et beuglante. Seulement, j'aurais pu me croire transporté dans le tableau le plus révolutionnaire de l'école impressionniste. L'azur du ciel, sans perdre sa profondeur lucide, s'était mué en une belle teinte orangée. La pâture, les arbres, au lieu de vert, me semblaient rouges. Les boutons d'or de la prairie étoilaient de violette un gazon vermillon. Tout avait changé de couleur, sauf pourtant les choses noires et blanches. Les pantalons obscurs des quatre hommes s'obstinaient à rester comme devant. De même, leurs blouses. Mais ces blouses blanches étaient souillées de taches vertes. Or, des flaques, vertes aussi, miroitaient sur le sol. Et qu'est-ce que ce liquide pouvait être, sinon du sang? Et quoi d'étonnant à ce qu'il me parût vert, puisque la verdure me donnait une sensation de rouge? Il exhalait ce liquide, un arôme violent, qui m'aurait chassé bien loin si j'eusse été capable de bouger. Et pourtant, son fumet n'était pas celui que j'avais coutume d'attribuer au sang. Je ne l'avais jamais respiré, non plus que tous ces autres parfums, non plus que mes oreilles ne se souvenaient d'avoir accueilli des sonorités pareilles à celles-ci. Et la fantasmagorie de persister, et l'aberration de mes sens de ne point se dissiper avec les vapeurs éthérées. J'essayais de combattre l'engourdissement. Impossible. On m'avait allongé sur une litière de paille. De la paille, évidemment, mais de la paille mauve. Les opérateurs me tournaient toujours le dos, excepté Johann. De temps en temps, Lerne jetait dans une cuvette de l'ouate mouillée de son verre. Johann s'aperçut le premier de mon éveil, et il en fit part au professeur. Il y eut alors, à mon adresse, un mouvement de curiosité générale qui, désagrégeant l'assemblée, me permit de voir un homme tout nu, lié à la table, les mains sous la claie, immobile et blanc, cireux, cadavérique, la moustache noire, pâlissant encore sa pâleur, et la tête enveloppée d'un pansement moucheté de... enfin d'éclaboussures vertes. Sa poitrine se soulevait en mesure. Il aspirait l'air à plein poumon, les ailes du nez battant à chaque inhalation. Cet homme, je fus quelque temps à l'accepter, c'était moi. Quand je fus certain que nulle glace ne me renvoyait ma propre image, contrôlée, il me vint à l'esprit que Lerne avait dédoublé mon être et que maintenant j'étais deux. Ou plutôt, ne rêvais-je pas? Non, à coup sûr. Mais jusqu'à présent, l'aventure ne dépassait point le bizarre. Je n'étais ni mort, ni fou. Et cette évidence me ragaillardit au suprême degré. Que l'on proteste à volonté contre la certitude où j'étais d'avoir toute ma raison. L'avenir devait confirmer ce jugement téméraire. L'opéré venait de hocher la tête. Wilhelm le détacha et j'assistai au réveil défaillant de mon sosie. Ayant ouvert des yeux d'aveugle, il dodelina de la tête d'un air idiot, caressa les bords de la table et s'assit. Il avait bien mauvaise mine. Je n'admettais pas que ma ressemblance pût manifester un tel abrutissement. On coucha le malade dans le petit lit de sangle. Il se laissa dorloter. Mais bientôt, les nausées douloureuses le firent panteler, me certifiant l'absence totale de communication entre lui et moi, puisque je ne souffrais nullement de ses incommodités, si ce n'est mentalement et par l'effet d'une compassion fort naturelle envers un gentleman aussi comparable à moi-même. Mais comparable, n'était-ce pas là une réplique de mon corps, ou mon corps en personne? Baste, absurde, je sentais, voyais, entendais, fort mal, à vrai dire, assez toutefois pour être convaincu de posséder un nez, des yeux et des oreilles. Je fis un effort, et des cordes me scièrent les membres. J'avais donc une chair, veule et gourde, mais une chair. Mon corps était ici et non là-bas. Le professeur annonça qu'on allait me délier. Le réseau de chambre se desserra. La hâte m'aiguillonnait. Je fus debout d'une secousse. Et une impression complexe répandit la terreur dans mon âme et la fit chavirer. Dieu, que j'étais lourd et petit! Je voulus me regarder. Il n'y avait rien au-dessus de ma tête. Et, comme je la courbais davantage, avec beaucoup de peine, je vis, à la place de mes pieds, deux sabots fourchus, terminant des jambes noires et cagneuses, couvertes d'un poil serré. Un cri m'enfla la gorge, et ce fut le beuglement de la nuit qui éclata dans ma bouche, fit trépider la maison et se répercuta, de loin en loin, aux parois infranchissables des rochers. « Tais-toi donc, Jupiter, » fit Lerne. « Tu fatigues ce pauvre Nicolas, qui a besoin de repos. » Et il montrait mon corps en alarme, soulevé sur le lit. Ainsi donc, j'étais le taureau noir. Lerne, le détestable magicien, m'avait changé en bête. Il se divertit grossièrement. Les trois malandrins, serviles, se tenaient les côtes, pouffaient, et mes yeux bovins apprirent à pleurer. « Eh bien, » dit l'enchanteur, comme répondant à la débâcle de mes pensées, « eh bien oui, tu es Jupiter, mais tu as le droit d'en demander plus. Voici ton état civil. Tu naquis en Espagne, dans une célèbre ganaderia, et tu sors de parents notoires dont la postérité mâle succombe victorieusement l'épée au garrot sur le sable des arènes. Je t'ai ravi aux banderilles des toréadors, votre race convenant à mes desseins. Je vous ai acheté très cher, toi et les vaches. Tu me coûtes 2000 pesetas, le transport non compris. Il y a 5 ans et 2 mois que tu es né. Tu peux donc vivre encore autant, pas davantage. Si nous te laissons mourir de vieillesse. Somme toute, je t'ai acquis pour me livrer sur ton organisme à quelques expériences. Nous n'en sommes qu'à la première. » Mon parent spirituel fut pris d'un accès de fou rire. Quand il eut épanché le trop-plein de sa bonne humeur, « Ah ah, Nicolas, cela va bien, eh, pas trop mal, je suis sûr. Ta curiosité, fils de la femme, Ton infernale curiosité doit te soutenir, et je gage que tu es moins fâché qu'intrigué, hein ? Allons, je suis bon prince, et puisque te voilà discret, mon cher élève, écoute l'enseignement dont tu restes avide. Ne t'avais-je pas prédit ? Le moment approche où tu sauras tout. Nicolas, tu vas savoir. Aussi bien me déplairait-il de passer pour un diable, un thaumaturge ou un sorcier. Ni Belphégor, ni Moïse, ni Merlin. L'air ne tout court. Ma puissance ne vient pas de l'extérieur, elle est mienne, et je m'en flatte. C'est ma science. Tout au plus pourrait-on rectifier que c'est la science de l'humanité que j'ai continuée à mon honneur, et dont je suis le pionnier le plus avancé, le détenteur principal. Mais n'ergotons pas. Les pansements te bougent-ils les oreilles? Peux-tu m'entendre? Je fis un signe de tête. Bien, écoute donc, et ne roule pas tes prunelles. Tout va s'expliquer. Sapristi, nous ne sommes pas dans un roman. Les aides fourbissaient et rangeaient les ustensiles. Mon corps endormi ronflait. Ayant traîné l'escabeau près de moi, Lerne s'assit à ma hauteur et discourut en ces termes. D'abord, mon cher neveu, tout à l'heure, j'ai eu tort de t'appeler Jupiter. Au sens étroit des mots, je ne t'ai pas métamorphosé en taureau. Tu es toujours Nicolas Vermont, car le nom désigne surtout la personnalité qui est l'âme et non le corps. Comme d'une part tu as gardé ton âme et que d'autre part l'âme a pour siège le cerveau, il t'est facile d'induire, en présence de ces instruments de chirurgie, que j'ai tout bonnement échangé la cervelle de Jupiter avec la tienne, et que la sienne habite maintenant ta guenille d'homme. Cela, me diras-tu, Nicolas, une plaisanterie assez interlope. Tu ne devines, au travers, ni l'objet grandiose de mes études, ni l'enchaînement des idées qui les a conduites. De cet enchaînement dérive pourtant cette petite bouffonnerie renouvelée d'Ovide. Mais il se peut qu'elle ne t'indique rien, car je ne m'y suis livré que subsidiairement. Si tu veux, nous la définirons. Une pochade d'atelier. Non, mon but ne m'apparaît point sous cette forme. Drôlatique et maligne, tu en conviendras, mais puéril et sans conséquences sociales ou industrielles de nature à être exploité. Mon but, c'est l'interversion des personnalités humaines que j'ai tenté d'obtenir en premier lieu par l'échange des cerveaux. Tu sais ma passion invétérée pour les fleurs. Je les ai toujours cultivées avec frénésie. Ma vie d'autrefois était absorbée par l'exercice de mon état, rompue le dimanche de cette récréation, une journée de jardinage. Or, le passe-temps influa sur ma profession, la greffe sur la chirurgie, et à l'hospice, je fus enclin à m'adonner particulièrement aux greffes animales. Je m'y spécialisai et m'y passionnai, retrouvant à la clinique l'enthousiasme de la serre. Au début même, j'avais obscurément pressenti, entre les greffes animales et végétales, un point de contact, un trait d'union, que mon travail logique a précisé voilà peu de temps. Nous y reviendrons. Quand je m'engouais de la greffe animale, cette branche de la chirurgie languissait. Disons-le, depuis les Hindous de l'Antiquité, premier greffeur en date, elle était restée stationnaire. Mais peut-être en oublias-tu les principes. Qu'à cela ne tienne, rapprends-les. Elle est basée, Nicolas, sur ce fait, que les tissus animaux jouissent chacun d'une vitalité personnelle, et que le corps d'un animal vivant n'est que le milieu propre à la vie de ses tissus, milieu dont ils peuvent sortir en survivant plus ou moins longtemps. Les ongles et les cheveux poussent après le décès, tu ne l'ignores pas, c'est qu'ils survivent. Un mort de 54 heures, et qui n'aurait pas laissé de descendance, remplit encore la principale condition pour y porter remède. Malheureusement, d'autres facultés essentielles lui manquent. On dit cependant que les pendus... Mais je reprends la suite des exemples. Dans certaines exigences d'humidité, d'oxygénation, de chaleur, on a gardé vivant une queue de rat coupée 7 jours, un doigt amputé 4 heures. Au bout de ces périodes, ils étaient morts, mais durant 7 jours et durant 4 heures, habilement recollés, ils auraient continué de vivre. C'est le procédé mis en œuvre par les Hindous, qui réintégraient ainsi les nez abattus à titre de châtiment, ou, si l'on avait brûlé ses appendices, les remplacer par des nez en peau de fesse. Prélevé, mon cher Nicolas, au derrière même du supplicié. L'opération ainsi effectuée rentre dans le premier cas de greffe animale et consiste à transplanter une partie d'un individu sur lui-même. La deuxième consiste à réunir 2 animaux par 2 plaies qui se soudent. On peut alors trancher à l'un le fragment de sa personne, attenant à la soudure, et qui, dorénavant, vivra sur l'autre. Le troisième consiste à transplanter sans pellicule une partie d'un animal sur un autre, toujours de telle sorte qu'elle y conserve une vie propre. C'est le plus élégant des trois. C'est celui-là qui m'a séduit. L'opération en était réputée scabreuse, pour bien des motifs, dont le principal est qu'une greffe prend d'autant moins volontiers que les deux sujets en présence s'éloignent davantage l'un de l'autre dans l'échelle de la parenté. La greffe prospère à merveille sur un même animal. Moins bien de père à fils, et de plus en plus mal de frère à frère, de cousin à cousin, d'étranger à étranger, d'allemand à espagnol, de nègre à blond, de l'homme à la femme, et de l'enfant au vieillard. À mon entrée en lice, l'échange dont il s'agit échouait entre les familles zoologiques et à plus forte raison entre les ordres et les classes. Cependant, quelques expériences faisaient exception sur lesquelles j'ai appuyé les miennes, voulant accomplir le plus afin de mieux réussir le moins et entregreffer le poisson et l'oiseau avant de cuisiner la seule humanité. Je dis quelques expériences. Wissmann s'était arraché du bras une plume de serin qu'il avait transplantée un mois auparavant et qui laissa une petite blessure saignante. Bourgnot avait greffé l'aile d'un serin et la queue d'un rat sur une crête de coq. C'était peu de choses, mais la nature m'encourageait elle-même. Les oiseaux se croisent sans vergogne et font des hybrides nombreux qui m'attestent la fusion possible des espèces. Et puis, si l'on s'écarte encore de l'homme, les végétaux ont une force plastique considérable. Tel est, réduit à sa plus simple expression, l'abrégé de la situation que je trouvais et sur quoi j'ai tablé. Je vins ici pour travailler plus à l'aise. Et presque aussitôt, je fis de belles opérations. Elles sont célèbres, l'une surtout. Tu te la rappelles assurément. Lipton, le roi des conserves, le milliardaire américain, n'avait plus qu'une oreille et désirait la paire. Un pauvre diable lui vendit l'une des siennes au prix de $5,000. Je pratiquai la petite cérémonie. L'oreille transportée n'est morte qu'avec Lipton, 2 ans plus tard, d'une indigestion. C'est alors, pendant que l'univers applaudissait à mon triomphe, et juste à ce moment où l'amour survenu m'incitait à gagner de l'argent pour qu'Emma fût somptueuse, c'est alors que j'eus ma grande idée, fruit de ce raisonnement. Si un milliardaire, mécontent de son physique, paie $5,000 la satisfaction de l'embellir un peu, que ne donnerait-il pas afin d'en changer tout à fait et d'acquérir à son moi, à sa cervelle, un corps nouveau, un habit plein de grâce, de vigueur et de jeunesse, à la place d'une vieille défroque malingre et repoussante. D'un autre côté, combien je sais de gueux qui livreraient leur anatomie splendide contre quelques années de ripaille. Et remarque-le, Nicolas, cet achat d'un corps juvénile ne devait pas seulement fournir des agréments de souplesse, de chaleur et d'endurance, mais aussi l'avantage énorme que dans un jeune milieu, l'organe transféré se régénère et se rajeunit. Oh, je ne suis pas le premier qui l'avance, et Paul Berthe admettait déjà la possibilité de greffer un organe sur plusieurs corps consécutifs, à mesure que chacun de ceux-ci aurait vieilli, de sorte que, par une suite de rajeunissements, il prévoyait qu'on pût faire vivre indéfiniment à l'intérieur de constitutions successives un même estomac, un même cerveau. C'était déclaré qu'une personnalité peut vivre indéfiniment au moyen d'une série d'avatars, un voyage à travers différentes carcasses dépouillées à propos. La découverte à faire dépassait mes espérances. Je ne poursuivais pas seulement le choix d'une tournure sympathique, je tenais le secret de l'immortalité. L'encéphale étant la résidence du moi, car tu sais que la moelle épinière n'est qu'une transmission et un centre de réflexe. Il ne s'agissait plus que de pouvoir le greffer. Certes, de l'oreille au cerveau, il y a loin. Pourtant, cette différence n'est que la question des degrés qui séparent, premièrement, la substance cartilagineuse de la matière nerveuse et, deuxièmement, l'article accessoire de l'organe principal. La logique soutenait mon assurance et la logique se fondait sur des antécédents fameux, officiellement vérifiés. Premièrement, Outre leurs greffes de muqueuses, de peau, d'ergots, etc., en 1861, Philippot et Vulpian remplacent de la matière nerveuse par un nerf optique. En 1880, Gluck échange quelques centimètres du nerf sciatique chez une poule contre des nerfs de lapin. En 1890, Thomson enlève quelques centimètres cubes de cerveau à des chiens et des chats et introduit dans la cavité ainsi obtenue la même quantité de substances cérébrales recueillies sur des chiens et des chats ou sur des espèces différentes. Nous voilà passés du cartilage au nerf et de l'oreille au fragment de cerveau. Occupons-nous maintenant de la difficulté du second ordre. Deuxièmement, les jardiniers greffent couramment des organes tout entiers. En plus des doigts, des queues et des pattes, Philippot et Mantegazza ont greffé des organes assez importants. Rate, estomac, langue. Ils font d'une poule un coq, par fantaisie. On a même essayé la greffe du pancréas et de la thyroïde. Aurel et Guthrie, en 1905, à New York, croient pouvoir substituer les veines et les artères des animaux à celles de l'homme. Nous avons franchi la distance de l'accessoire au principal. Enfin, Mantegazza prétendait avoir greffé des moelles et des cerveaux de grenouilles. Ces observations me prouvèrent abondamment que mes projets étaient réalisables. Donc, je les réaliserai. J'abordais mon labeur. Un obstacle m'arrêta. L'emploi du pédicule étant impraticable, il arriva que le corps et le cerveau, une fois séparés, succombaient l'un ou l'autre, ou tous les deux, avant d'avoir été mis en contact avec leur nouveau compagnon. Mais ici encore, les faits m'enhardissaient. En ce qui concerne le corps, un animal vit très bien avec un seul lobe cérébral. Tu as vu tournoyer un pigeon privé des trois quarts de son encéphale. Souvent, des canards décapités volent au loin, à des 100 mètres du bio où leur chef demeure, tranché. Une sauterelle a vécu sans tête pendant 15 jours. 15! C'est une expérience avérée. En ce qui concerne l'organe, il y avait les constatations déjà citées. Cela me portait à penser que le cerveau et le corps, traités convenablement, devaient pouvoir vivre, chacun de son côté, les quelques minutes de séparation indispensables au travail. Quoi qu'il en fût, les lenteurs de la trépanation me provoquèrent dans le principe à échanger non les cervelles, mais les têtes, sachant de Brown-Séquard qu'une tête de chien étant injectée de sang oxygéné avait survécu un quart d'heure à la décollation. De cette époque datent des êtres hétéroclites. Un âne à tête de cheval, une chèvre à tête de cerf, que j'aurais aimé conserver parce que les bêtes qui les composaient s'éloignaient assez l'une de l'autre, tout en faisant partie de la même famille. Éloignement que je n'ai jamais pu augmenter par ce procédé. Hélas, la nuit de ton arrivée, Wilhelm a laissé des portes ouvertes et ces monstres, dignes du docteur Moreau, ont pris la clé des champs avec beaucoup d'autres sujets en observation. Tu peux te vanter d'être tombé à Fonval comme un épagneul dans un jeu de croquet. Je reprends. Mais pour éviter de surmener l'attention d'un convalescent, je tairai, quant au détail, l'abandon de cette première méthode, la trouvaille du trépan Lerne, assis circulaire, extra rapide, celle des globes, garde-cerveau ou méninges artificiels, celle de Longan à souder les nerfs, l'utilité reconnue de l'injection de morphine préconisée par Broca pour rétrécir les vaisseaux et perdre moins de sang, l'usage accepté de l'éther comme anesthésique, la manipulation des encéphales destinée à les accommoder rigoureusement au crâne, etc., etc. Grâce à tout cela, j'intervertis les personnages d'un... je ne trouve jamais ce nom-là. D'un écureuil et d'un ramier. Ce n'était pas mal. Puis ceux d'une fauvette et d'une vipère. Et ceux d'une carpe et d'un merle. Sans chaud et sans froid. C'était parfait. En regard de ces prodiges, mon but, la substitution humaine, devenait une amusette. Sur ce, Karl et Wilhelm s'offrirent à tenter l'épreuve convaincante. Ce fut épique. Autoclotz m'avait quitté... Macbeth n'était pas sûr. J'opérais seul, avec le concours de Johan et de machines automatiques. Succès. Ah, les braves gens! Qui supposerait qu'on les a amputés de tout le corps? Et cependant, chacun, depuis ce jour, habite la maison charnelle de son ami. Regarde. Il appela les aides, et, soulevant leurs cheveux, mit en lumière la cicatrice violacée. Les deux Allemands se sourirent. et je ne pus m'empêcher de les admirer. L'Erne reprit. Ma fortune était donc faite, et tout ensemble, j'assurais ma gloire, le bonheur d'Emma et son amour, qui est mon bien le plus inestimable, Nicolas. Mais la découverte, une fois certaine, il fallait l'appliquer. À la vérité, un point noir me chagrinait. Je veux parler de l'influence du moral sur le physique et vice-versa. Au bout de quelques mois, mes opérés se modifiaient. Avais-je doué leur corps d'une mentalité plus fine que la première, celle-ci ruinait celui-là. Et j'ai vu, entre autres, des porcs au cerveau de chien devenir souffreteux, décharnés et mourir rapidement. Au contraire, les intellects les plus épais que leurs prédécesseurs se laissent dominer par le corporel, et l'animal composite devient alors de plus bête en plus gras. C'est une règle inéluctable. Parfois aussi, la chair impérative refaçonne l'esprit selon ses instincts de matière brutale. Un de mes loups, mon cher, instaura la cruauté dans la cervelle d'un mouton. Et cet inconvénient ne devait-il pas, chez mes clients futurs, les hommes, se ramener à d'insaisissables écarts de santé ou de caractère? Cela était dérisoire et ne m'arrêta nullement. Insoucieux de laisser Macbeth auprès d'Emma, je l'expédiais en Écosse et je cinglais vers l'Amérique, le pays des audaces, des milliards et de l'oreille recollée, qui me parut le meilleur terrain de culture, il y a 2 ans. Le lendemain du débarquement, je disposais de 35 chenapans, résolus à dévêtir une architecture impeccable au profit de 35 milliardaires généreux qu'il me fallait connaître, pressentir, endoctriner, convaincre. Échec. J'avais commencé par les plus affreux et les plus cacochimes. Les uns m'ont traité de fou et mis à la porte. D'autres se sont fâchés, et, me toisant d'un œil majestueux et louche, poitrinant d'un poussif et débile thorax, ou campé sur des jambes torses, ils s'étonnaient qu'on ait pu trouver laid. Les moribonds étaient certains de guérir, plus certains que de ne pas défuncter sous les terres. Il y en eut qui prirent peur. C'était tant est Dieu. Ils s'écartaient de moi comme du diable, et certains m'auraient aspergé d'eau bénite. J'eus beau leur objecter que l'homme se modifie plus complètement au cours de sa vie qu'il ne changerait sous mon bistouri, et que la morale religieuse a fait du chemin depuis 1670, où fut excommunié ce russe dont le crâne avait été rapiécé avec un os de chien. Rien n'y fit. Beaucoup sentencièrent ainsi. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on prend. Le croirais-tu? Les femmes ont failli me sauver. Elles aspiraient en foule à devenir des hommes. Par malheur, mes chenapans, sauf 2 ou 3, les plus intrépides, refusèrent catégoriquement d'adopter le sexe féminin. En désespoir de cause, je faisais briller l'alléchante perspective de la vie indéfinie, reprenant son élan à chaque nouvelle incorporation. La vie, m'ont répondu des septuagénaires, est déjà trop longue, telle que Dieu l'a bornée. Nous ne souhaitons plus rien que périr. Mais je vous rendrai tous les désirs en même temps que la jeunesse. Grand merci. Le sort de nos désirs est d'être inexaucé. Parmi les adultes, je m'entendis souvent répliquer. Le charme de l'expérience acquise vaut bien qu'on la préserve de tout amoindrissement, et qu'on ne risque point de la diminuer par la fougue novice et la témérité d'un sang adolescent. Il se trouva néanmoins quelques émules de Faust pour signer le pacte de jouvence. Tous ces nababs pressentis m'opposèrent la même objection. Le danger de l'opération. La déraison d'aventurer la vie dans la convoitise de la vie. Vois-tu, Nicolas, ne se laisse vraiment opérer sans arrière-pensée que les jeunes gens à l'article de la mort et conscients de leur état. Ayant compris la nécessité de supprimer le péril appréhendé, je me sentis prêt à de nouvelles études. Oh, bien désillusionné, sachant dès lors, en cas d'une seconde découverte, combien serait infime le nombre de mes clients, mais le sachant aussi très suffisant à établir ma fortune et mon bonheur. Seulement, ils étaient renvoyés aux calendes grecques. Je revins à Fonval, amer et taciturne, la rage au cœur. Emma et Doniphan ne pouvaient rencontrer plus implacables justiciers. Je les ai surpris, je me suis vengé. Tu as deviné, n'est-ce pas? Hier, les 2 Macbeth ont emmené le cerveau de Nelly et l'âme de Doniphan loge dans le Saint-Bernard. Le même châtiment vous attendait tous deux pour une même faute. Salomon n'eut pas mieux jugé, ni Circé mieux exécuté. Or, ça, mon neveu, j'ai travaillé, et malgré ton intrusion et la surveillance de tes actes, à laquelle je me suis astreint, dans quelques jours, peut-être, j'inaugurerai le transport des personnalités sans intervention chirurgicale. J'ai eu l'esprit, figure-toi, de ne pas délaisser la greffe végétale. J'en ai mené très loin tous les développements, et cette école, jointe à mes expérimentations zoologiques, constitue l'étude à peu près universelle de la greffe. C'est la combinaison de cette science avec d'autres sciences qui m'a dévoilé la solution probable. On ne fait jamais assez de généralités, Nicolas. Entichés de parcellement, férus d'infiniment petits toujours minuscules, nous avons la manie de l'analyse et nous vivons l'œil rivé au microscope. Dans la moitié de nos investigations, il nous faudrait employer un autre engin, montreur d'ensemble, un instrument de synthèse optique, une lunette synoptique ou, si tu préfères, un mégaloscope. Je prévois une découverte colossale. Et dire que sans Emma, dédaigneux de finances, je n'en serais pas là, si haut. L'amour a fait l'ambition qui fait la gloire. À ce propos, mon neveu, tu as bien failli endosser les traits du professeur Frédéric Lerne. Oui, elle t'adorait d'une si belle ardeur, mon bonhomme, que j'ai songé à me travestir de ton aspect afin d'être aimé à ta place. Cette revanche eût été la meilleure et piquante à souhait. Mais j'ai encore besoin, pour quelque temps, de ma dégaine antique. Nous verrons plus tard à nous débarrasser de cette vieillerie. Tes dehors captivants ne sont-ils pas en réserve et à ma disposition ? À ces mots sarcastiques, je pleurais de plus belle. Mon oncle poursuivit en affectant la commisération. Hey, j'abuse de ta vaillance, mon cher malade. Repose-toi. La satisfaction de ta curiosité te donnera, j'espère, un sommeil réparateur. Ah, j'oubliais. Ne t'aime pas de percevoir le monde extérieur autrement que naguère. Entre mille nouveautés, les choses doivent te sembler aussi plates que sur une photographie. C'est que la plupart des objets, tu les regardes seulement d'un œil à la fois. Ainsi, pourrait-on dire, en jouant sur les termes, beaucoup d'animaux ne sont que des doubles borgnes. Leur vue n'est pas stéréoscopique. Autres yeux, autre vision. Un nouveau tympan, nouveau son. Ainsi de suite. Ce n'est rien. Chez les hommes eux-mêmes, chacun a sa façon d'apprécier les choses. L'habitude nous enseigne, par exemple, qu'il faut appeler rouge certaines couleurs. Soit. Mais qui la nomme rouge en reçoit une impression de vert. Cela est fréquent. Et tel autre, une impression de merdois et de turquin. Allons, bonsoir. Non, ma curiosité n'était point satisfaite. Mais je m'en rendais compte, sans pouvoir fixer des points que mon oncle n'avait pas élucidés, car un malheur exagéré m'accablait de tristesse et l'opération circéenne me laissait comme imprégné des terres, dont les vapeurs saturantes incommodaient en moi l'entendement de l'homme et le cœur du taureau. Fin du chapitre 10.